Sur pas là. Oh, qui j'en m'en périvé. Décollé. Sur pas là. Oh, qui j'en qu'est au moins qu'est. Échauffé. C'est pas là, t'as dormi, fais j'ai, prends la main, on prend la foi, ça ou.